Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Inspiré par les oiseaux, l'homme s'est ingénié depuis des siècles à imiter leur vol et à comprendre la science qui lui permettrait un jour de composer avec la gravité terrestre pour voler librement dans l'atmosphère. Alors, pour nous raconter cette longue épopée scientifique, je reçois Mathieu Riopel, professeur de physique au Cégep Garneau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, à quand remonte chez l'homme le désir de vouloir s'envoler? J'imagine que ça remonte à la nuit des temps, mais en fait, depuis quand est-ce que c'est documenté? C'est très ancien comme idée, vouloir s'envoler, vouloir dépasser les frontières, explorer la troisième dimension, la verticalité. C'est aussi vieux que l'être humain, si on veut. Une première histoire à propos de ça, c'est le mythe d'Icare, l'ancien mythe grec, où il y a quelqu'un qui a pris des plumes, puis de la cire pour se fabriquer des ailes, qui s'est envolé trop près du soleil, puis qui va tomber et mourir, essentiellement. Okay. C'est ça, l'histoire du mythe d'Icare qu'on a peut-être, ça fait partie de l'inconscient collectif, cette histoire-là. Et c'est un peu l'histoire de toutes les envols de l'être humain, si on veut. C'est comme tout mythe, il y a quelque chose qui est profondément humain qui est raconté là-dedans et qu'on retrouve à différents moments de l'histoire, dont entre autres les premières envolées en ballon, les premières envolées en montgolfière. Mais aussi, peut-être cette année, c'est le 50e anniversaire de Apollo 11, l'atterrissage qui s'est fait en 69. Puis il y a d'ailleurs eu un film sur la vie de Neil Armstrong qui a été fait récemment. Puis il y a tellement de parallèles qu'on peut dresser entre les premiers envols en ballon et puis les premiers vols spatiaux qui ont été faits, toute l'histoire de la conquête spatiale, aller sur la Lune. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre les deux. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que la conquête spatiale a commencé avec les premiers vols en ballon. Tout à fait. C'est le début, la préhistoire de cette conquête spatiale-là. Donc, c'est un peu ce que je me propose de vous raconter aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une histoire qui est remplie de rebondissements, d'aventures. Évidemment, il y a eu toutes sortes d'aventures avec les premiers vols en ballon. Puis rendre la science, parler de la science comme une aventure, puis voir tout par quel chemin on est passé pour en arriver à où on est aujourd'hui. Et ça a pris du temps aussi. Là, ça a pris du temps, ça a pris des vies humaines, des drames, des catastrophes, et puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Alors si on commençait peut-être par les ballons peut-être? Commençons par les premiers vols en ballon. En fait, souvent, quand on parle de ballon, on pense aux montgolfières, en fait. Par exemple, le festival à Lévis, qui est comme l'image des montgolfières au 21e siècle, si on veut, l'espèce de ballon qui est chauffé au gaz propane avec de l'air chaud, puis qui peut s'envoler, qui est très sécuritaire. Aujourd'hui, ces engins-là sont beaucoup plus sécuritaires que les premiers qui ont été fabriqués. Oui, parce que les premiers, j'imagine qu'ils doivent être aussi plus rudimentaires aussi. Les premiers, on va le voir, c'était assez rudimentaire, assez risqué aussi. Les tout premiers ballons, on ne sait pas trop qui... Il existe toutes sortes d'histoires ou de faits qu'on pense que l'humain s'est servi d'un ballon à différents moments dans l'histoire, mais c'est assez incertain. En fait, il y a même des écritures qui datent de l'Antiquité en Chine, 12e siècle avant Jésus-Christ, où il est raconté qu'il y a des humains qui sont dans des ballons qui s'envolent vers le ciel. C'est assez incertain. Ça date d'il y a très longtemps, donc on n'est pas trop sûr. Ou il y a des théories qui racontent que dans le désert de Nazca, au Pérou, où est-ce qu'il y a des espèces de gigantesques dessins tracés dans le désert avec des roches qui peuvent être vus juste du ciel. Oui. On raconte que ces dessins-là auraient peut-être été coordonnés par des gens qui volaient en ballon. Okay. On raconte aussi que c'est peut-être des extraterrestres qui seraient venus pour les tracer. Donc, tout est très incertain. Les extraterrestres, on n'est pas mal certain que c'est pas ça. Mais Bref, c'est des histoires qui ont été racontées sur les premiers vols en ballon. Puis effectivement, c'est très incertain puisque c'est très loin dans le temps aussi. Oui, exactement. Mais si on remonte à des choses qui sont plus certaines, l'histoire qui a été écrite et documentée et qu'on connaît, la vraie histoire des montgolfières commence avec les frères montgolfières, c'était des personnes qui, eux, ont fabriqué, si on veut, les premiers ballons. C'est les frères montgolfières. C'était des Français? C'était des Français qui habitaient dans la région de Lyon. Et puis, eux, ils étaient entrepreneurs, ils avaient une papeterie, ils fabriquaient du papier. Le papier est important dans cette histoire-là parce que les premiers ballons qu'ils ont fabriqués, ben, c'était des ballons qui étaient faits en papier. On remplissait les ballons d'un gaz plus léger que l'air. Uh-huh. Puis on utilisait ça pour s'envoler. Mais ça veut déjà dire qu'on avait une notion que l'air, en fait, de la densité de l'air aussi. Il fallait comprendre ça, non? C'était... Peut-être que je vais trouver aussi. Ben, en fait, le ballon va s'envoler justement parce que si c'est à l'air chaud, comme ça fonctionne aujourd'hui, le ballon s'envole parce que l'air chaud est plus léger que l'air à température ambiante ou l'air froid. Donc, il va s'élever par l'espèce de poussée d'Archimède, on pourrait dire. Donc, c'est ça le fonctionnement. Mais à l'époque, c'était plus ou moins... connu, peut-être, ce principe-là. Maîtrisé, on pourrait dire. Les frères montgolfières, eux, essayaient d'allumer un brasier qui faisait beaucoup de fumée sous les ballons, le remplir de fumée, parce qu'ils pensaient, entre autres, que c'était la fumée qui soulevait le ballon, ce qui n'est pas le cas. Ça prend juste de l'air chaud, en fait. OK. Donc, en ce sens-là, on l'a compris à ce moment-là, entre autres, que l'air chaud pouvait soulever quelque chose. Ça prend un ballon qui est assez léger. Le papier fonctionnait. Il y a eu des ballons de soie aussi qui ont été fabriqués par la suite. Mais essentiellement, l'invention des frères montgolfières, ça a été de faire un ballon gigantesque rempli d'air chaud qui a été capable de s'élever. On a fait des tests, des vols non habités au départ et un âne, ben pas un âne, c'était quoi? C'était un canard, un mouton, puis un coq dans le premier ballon, dans le premier vol avec des êtres vivants. Un peu comme avec, dans le programme spatial, on a envoyé la chienne Laika en orbite, probablement qui est encore là, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, eux, le mouton, le canard et le coq sont redescendus et on a vu qu'ils étaient en vie, mais à l'époque, on savait pas, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Personne n'était jamais allé dans le ciel comme personne. C'est un fait. Donc, il fallait le tester. Les animaux ont survécu. Après ça, on a envoyé un être humain. En fait, on voyait des oiseaux dans le ciel, mais des mammifères... Effectivement. Peut-être qu'il aurait pu arriver quelque chose. Hein? On voulait faire un test. On n'était pas trop certain. Mais c'est le 21 novembre 1783 qu'il y a eu le premier vol habité réalisé par un humain. OK. C'est Jean-François Pilate de Rosiers et son copilote, le marquis d'Arlande, qui ont décollé de Paris dans un ballon immense qui avait 70 pieds de hauteur. En papier, toujours? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse, mais c'était un beau ballon. J'ai noté qu'il était bleu avec des dessins dorés. On avait fait ça beau parce qu'il y avait une foule immense qui était venue assister à ce spectacle-là. Ils ont volé une vingtaine de minutes. Ça s'est relativement bien passé. Il y a eu un peu de chicane entre le pilote et son copilote, mais somme toute, ils ont réussi le vol, ils ont atterri de façon relativement correcte. Et est-ce que le ballon est monté haut? Est-ce que c'est documenté? La hauteur, je l'ai cherché. Je ne suis pas tombé sur le chiffre, mais ils ont volé une distance de 9 km. Mais en termes de hauteur, ils ont... On ne sait pas quelle hauteur ils ont atteint. Je l'ai cherché et je n'ai pas trouvé le chiffre exact dans mes recherches. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les montgolfières, qui sont ce qu'on pourrait nommer un aérostat, quelque chose qui va dans le ciel, qui est gonflé à l'air. Mais il existe d'autres technologies. Il existait à l'époque une autre technologie qui était en parallèle avec l'air chaud. C'était d'utiliser un gaz plus léger que l'air, comme par exemple un ballon de fête rempli d'hélium. Oui. Ça flotte. Oui, tout à fait. Donc, on peut utiliser juste un gros ballon d'hélium pour s'envoler dans le ciel. Par contre, à l'époque, l'hélium n'avait pas été isolé. On n'avait pas trouvé encore de l'hélium sur Terre. Oui. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est un gaz qu'on venait tout juste d'isoler en chimie. Il y a des chimistes, Lavoisier, Priestley, qui ont réussi au début, vers le milieu des années 1700, à isoler l'hydrogène. Il était du métal dans l'acide, puis il y avait un gaz qui se dégageait. Exactement, un peu de fer dans de l'acide sulfurique, et il y a de l'hydrogène, qu'on avait appelé le gaz inflammable, parce que... L'hydrogène, si on met ça à côté d'une flamme, ça va brûler, faire une bonne flamme ou exploser. C'est, explosé, oui, c'est explosif. Donc, c'est le type de ballon aussi qu'on a utilisé, un ballon rempli d'hydrogène. Évidemment, il y avait des avantages parce que l'hydrogène est 14 fois plus léger que l'air, donc ça soulève. Il y a une bonne force pour nous élever dans le ciel. Par contre, la seule façon de descendre, ben, c'est de dégonfler le ballon. Puis une fois qu'il est dégonflé, on peut pas le regonfler en vol. Donc, on a un moins bon contrôle sur l'altitude du ballon, vrai, comme hein. ça. On peut jeter du lest pour pouvoir s'élever. Donc, du lest, c'est des sacs de sable qu'on transporte. Puis là, on laisse tomber les sacs de sable, on lève un peu plus haut. Mais pour descendre, il faut dégonfler tranquillement le ballon. Puis une fois que c'est fait, ben, c'est plus difficile de remonter. Mais le premier vol... en ballon à l'hydrogène a été faite par Jacques-Alexandre César Charles, donc appelons-le Alexandre Charles, mm-hmm. et ça s'est fait 10 jours après le premier vol de Pilote de Rosier. Ok, oh, ça allait rapidement. Oui, ouais, ça s'est passé rapidement tout ça. Il y avait une foule, on raconte, de 400 000 personnes rassemblées à Paris. Ça, c'était à peu près la moitié de la ville. 400 000 personnes? Ben, qui étaient là pour voir l'envol du ballon. Apparemment que c'est la plus grande foule jamais amassée à Paris avant la Révolution, parce qu'il y a eu des plus grandes foules que ça pendant la Révolution, mais... c'est ce qui a été... Ça l'attirait la foule, les vols en ballon. C'est certain, hein? Il y avait quelque chose qui frappait l'imaginaire. Hein? Donc, durant le premier vol en ballon à l'hydrogène, ils vont amener toutes sortes d'instruments parce qu'on faisait de la science. Ça se prétendait scientifique, ces envols en ballon-là. Donc, on amène des baromètres, des thermomètres, des télescopes. On amène aussi des bouteilles de champagne. Dans tout ce que j'ai lu sur les premiers vols en ballon, il y a toujours des bouteilles d'alcool qui sont transportées à bord. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être thérapeutique. Et bref, ils vont faire un vol de 2 heures, puis ensuite, ils vont se reposer. Ils vont... arrivé par terre là, durant ce vol-là, et puis le copilote va descendre la nacelle, et puis à ce moment-là, Alexandre Charles va s'envoler dans le ciel pour faire le premier vol solo. Okay. Il va atteindre une hauteur de 3300 mètres, il va s'élever très, très, très c'est haut. Quand même très haut. Puis après ça, il va raconter tout le sentiment de solitude, d'immensité qu'il a vécu, mais aussi un sentiment de terreur là, d'être seul dans le ciel. Dans le froid. Ce pilote-là, après son premier vol en solo, ne fera plus jamais de vol. Ah, il va oui. arrêter là, mais va avoir fait une grande première dans l'histoire des vols en ballon. OK, donc ça l'a vraiment très impressionné, peut-être même... peut-être, oui. Beaucoup, hein? Et donc, puis à ce moment-là, on se pose des questions. Tu sais, toute la science derrière ça, parce que la science va, l'Académie des sciences françaises va financer ça, mais des gens vont critiquer, vont dire les ballons, c'est peut-être juste des gros jouets de luxe pour des gens riches qui veulent vivre des émotions fortes. Mais à travers ça, on fait des expériences, on observe, on essaie de comprendre l'atmosphère. Donc, en parallèle à toute cette exploration-là de la troisième dimension, ben on essaie de comprendre l'atmosphère. Donc, il y a quand même des sciences qui sont réalisées à travers tout ça, des mesures très précises qui ont été faites de la pression de l'air, des courants, des vents. Qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas idée de la façon dont les vents se comportaient en altitude. Donc, c'est des choses qu'on a compris dans ces premiers vols-là, d'ailleurs. Puis tout à l'heure, vous disiez aussi qu'ils avaient amené des thermomètres puis des baromètres. Donc, ils ont pu observer que la température baissait en montant et que la pression atmosphérique aussi, j'imagine. Oui, exactement. Les baromètres étaient, entre autres, amenés aussi pour mesurer l'altitude. On savait qu'il y avait un lien entre l'altitude puis la pression atmosphérique. Donc, c'est ce qui permet de dire que tel pilote est monté à telle hauteur, c'est parce qu'il avait fait certaines mesures. D'accord. Donc ça, c'est les premiers vols, mais l'événement le plus emblématique, si on veut, de cette période-là des premiers vols, c'est si on veut, la première traversée de la Manche en ballon. On se déplaçait, là. Oui, là, il était question de prendre le ballon et de l'amener ailleurs. Ouais. C'est une compétition qui a eu... C'est une espèce de rivalité Angleterre-Française qui s'est établie parce que, un peu comme la compétition russe et américaine qu'il y a eu pour atteindre la Lune, on peut voir ça. On peut faire beaucoup de parallèles comme ça. Et donc, là, il y avait Pilote de Rosier, le premier qui avait fait un vol en ballon, qui était vu comme le favori pour gagner pour remporter le défi de traverser la Manche. Sauf que lui, il a eu toutes sortes de petits problèmes. Entre autres, il s'est fiancé pendant ce moment-là et puis il y a des rats qui ont mangé son ballon. Bref, il n'a pas pu partir à temps. Puis, c'est deux autres personnes qui étaient du côté de l'Angleterre, mais un Français et un Américain qui partaient du côté de l'Angleterre pour se rendre en France, qui ont remporté ce défi-là. Eux, ils sont partis le 7 janvier 1785 pour traverser la Manche. C'était John Jeffreys qui était, si on veut, le copilote, et Jean-Pierre Blanchard qui était, lui, le pilote, le maître d'œuvre du projet, si on veut. Mm-hmm. Donc, Jean-Pierre Blanchard vont partir de Douvres en Angleterre, puis vont essayer de se rendre à Calais en France. En fait, c'est à peu près le même trajet que le tunnel actuel qui traverse la Manche. Une cinquantaine de kilomètres? Une cinquantaine de kilomètres. C'est un vol de à peu près 2 heures que ça leur a pris. Donc, ils vont traverser ça. Ça va se passer assez bien jusqu'aux 2/3 du chemin. Ils ont un ballon à hydrogène. Le ballon à hydrogène perd un peu de gaz, descend en altitude tranquillement. Okay. Arrivé aux 2/3 du trajet, ils ont un problème. Le ballon va foncer soit dans la mer ou soit dans les falaises à Calais. Oh. Il faut qu'ils prennent de l'altitude. Ils commencent à jeter du lest. Mais c'est pas suffisant. Ils vont jeter tout par-dessus bord, la nourriture qu'il y avait, voilà. Les bouteilles, quelques bouteilles probablement. Ils vont garder seulement un baromètre qu'ils voulaient pas perdre parce qu'il était très précieux, et une bouteille de brandy apparemment. Ça, c'était indispensable. Et donc, ça suffit pas, là. Donc, ils commencent à déconstruire la nacelle pour enlever du poids, mais il y a rien à faire. Ils peuvent pas détruire complètement la nacelle. Puis j'imagine qu'ils voulaient pas... Il y a un chercheur qui ne voulait pas précipiter l'autre hors du ballon non plus. Là. Non plus, ça aurait pu aider la situation, mais ça aurait été compliqué pour d'autres choses. Alors là, on doit donner du lest. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine mer et qu'il faut absolument jeter du poids? Grande question. Ben... Si vous étiez pris à la NASA, c'est le genre de question. On a une problématique, il faut, j'imagine, trouver des solutions. On voit Houston, on a un problème. Là. Bon, eux autres, s'il y avait eu Houston, ils auraient appelé. Ils ont dû trouver une solution. La solution, ils ont dit, on va enlever notre linge. Je n'osais pas le dire. Notre linge a un poids. Donc, ils se sont mis à faire une espèce de striptease en pleine mer. À l'arrivée, avec une foule de gens probablement qui étaient amassés, qui les observaient. Et puis, ça a été suffisant pour passer la falaise, arriver à l'autre bout. Donc, ils sont arrivés probablement flambant nus, glorieux de l'autre côté à Calais, en ballon. Et ils ont traversé la Manche pour la première fois. Ils ont eu un autre problème aussi, c'est qu'en arrivant là-bas, ils étaient portés par le vent, sauf qu'ils allaient s'écraser dans les bois. Le ballon n'avait pas assez d'altitude, puis il y avait des arbres à l'horizon. Donc, ils allaient s'écraser. Pour ralentir la chute, ils devaient encore jeter du lest, mais là, il n'y avait rien. Il urinait, quoi, ou non? Ben, c'est ça. C'est ce que Jeffreys a dit. Il a dit, le lest qui nous reste à jeter, ben... C'est nos urines et nos fesses. C'est à l'intérieur de nous. Après ça, c'est... Le reste, c'est... Il s'en excuse, d'ailleurs, dans ses mémoires. Il dit, je suis désolé de raconter ce genre de détails-là, mais c'est ça qui a sauvé la vie. C'est ça. Donc, c'est l'aventure qui leur est arrivée, les premiers qui ont traversé la Manche. Après ça, ils sont arrivés glorieux à Calais. Ils ont été reçus comme des grands champions, comme des astronautes qui venaient d'arriver de la Lune. Ensuite, tout ne s'est pas si bien passé aussi dans ces vols-là. Il y a quelques catastrophes qui se sont passées. Ouais, est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? Ben, Pilate de Rosier, le premier à s'être envolé, une fois qu'il avait réparé son ballon, il a décidé de traverser la Manche dans le sens inverse pour justement essayer de regagner un peu de gloire pour la France. Et puis, ça dépend des vents aussi, ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Les vents étaient contraires. Ils étaient dans le mauvais sens pour s'en aller en Angleterre. Ça aide pas, là, ça. Lui, il avait un ballon spécial. C'était un mélange de ballon à hydrogène. Puis en dessous du ballon à hydrogène, il y avait un ballon à air chaud. Donc, il combinait les deux. Ça lui permettait d'avoir beaucoup de force pour le soulever. C'est ça. Puis un peu plus de manœuvrabilité. Ça semble une bonne idée sur papier, mais faire un feu en dessous d'un ballon à hydrogène, c'était pas la meilleure idée. S'il y a une petite étincelle, là. C'est ça. Ben, en fait, il y a eu un problème avec la valve, apparemment, ce qu'on raconte. Okay. Puis le ballon s'est transformé en torche. Une genre de lanterne volante. Hey, mon Dieu. Ils se sont écrasés et puis Pilate de Rosier est décédé devant la foule qui était atterrée. Il est devenu le premier martyr des vols. Des vols en ballon. C'est devant... le premier écrasement, si ouais, on peut ouais. dire. Et il s'est écrasé devant sa nouvelle fiancée qui est allée se suicider dans les jours qui ont suivi. C'est une histoire dramatique. Dramatique et pénible. Et donc, ça a été le premier martyr, mais ça n'a pas arrêté cette espèce de folie là, des ballons. Les foules ont continué à vouloir assister à tout ça. Il y a eu un autre martyr, si on veut, qu'on pourrait nommer en passant aussi, Sophie Blanchard, qui était la femme de Jean-Pierre Blanchard. Sophie Blanchard, elle, à un moment, c'est devenu très populaire de faire des spectacles de ballons. Les foules venaient voir des genres de spectacles où est-ce qu'il y avait des aéronautes qui faisaient toutes sortes de trucs périlleux en ballon, dont c'était ce que Sophie Blanchard faisait, des feux d'artifice... à partir de son ballon, elle a tiré des feux d'artifice du ballon au-dessus de Paris. Ça devait être assez beau. Sûrement. Voir des feux d'artifice qui partent à côté d'un ballon à hydrogène. Okay. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé. Là, son ballon, un jour, a pris en feu. Les gens qui observaient ça ont pensé probablement que c'était juste un plus gros feu d'artifice. Mais elle s'est écrasée sur le sol... devant à peu près toute la ville de Paris qui observait ça. Ça a été un événement qui a marqué l'imaginaire collectif, tout ça. Après ça, ça s'est calmé un peu, les vols en ballon. Les gens ont fait... ça s'est arrêté à ce moment-là, mais c'est devenu plus... disons que la folie des débuts, l'insouciance et la liberté s'est transformée en quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu comme les grandes tragédies des vols spatiaux comme Challenger ou Columbia. Bon, ça refroidit un peu les ardeurs. C'est un fait. Mais comme héritage, en fait, qu'est-ce que les vols en ballon ont permis d'un point de vue scientifique? Bien, il y a tout l'observation de la météorologie. Au départ, on pensait qu'il y aurait plein de développements technologiques qui se feraient à partir de ça. Ce que ça a donné, c'est beaucoup lancer la météorologie sur différentes pistes, observer les courants d'air, les vents, les systèmes météo. Ce qui est le plus important, à mon avis, puis le grand changement que ça a apporté, au-delà de certaines observations, c'est probablement de l'espèce de changement de perception de la place de l'humain dans le monde. Ça, c'est gros à dire, mais de s'élever dans le ciel, ça change la perspective. On voit plus large, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. C'était désormais accessible. Exactement. Donc, c'est pour la première fois, on a vu la grandeur des villes, l'effet de l'humain sur la Terre. Oui. On a observé directement ces choses-là à l'œil nu. Donc, c'est un peu comme, justement, les voyages spatiaux. Ça a changé un peu notre perception de... la place de l'humain dans l'univers. Et la Terre aussi, de voir la Terre, c'est ça. C'est un peu comme la photo qui a été prise par Apollo 8, là, qu'on voit la Terre se lever de la Lune. Mais oui. Ben, c'est ce genre de changement de perception-là. Quand les sciences arrivent à faire ça, changer notre façon de voir le monde, c'est là qu'ils ont un effet sur l'humain qui est très important. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Mathieu Riopel, pour ce récit fascinant. Je rappelle que vous êtes professeur de physique au Cégep Garneau. Et on se volatilise le temps de quelques publicités et on vous revient avec Cyril Barrette qui va nous expliquer en quoi la sexualité humaine diffère de celle des mammifères.